Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 10 février. Et voyons tout de suite ce que vous réserve cette semaine de Saint-Valentin. Bélier, Mars risque de freiner vos progrès. Acceptez d'avancer sans précipitation. Côté relation, en amitié, les échanges, seront agréables, voire même enrichissants. Cependant, pour la Saint-Valentin, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Prenez le temps de savourer chaque moment sans forcer les choses. Et puis surtout, il y a la Saint-Valentin, mais il y a tous les autres jours aussi. Taureau, Saturne et Uranus renforcent votre audace et votre ténacité. C'est le moment d'enclencher des initiatives audacieuses. Alors côté relation, vous n'êtes pas disponible. Cette mise en retrait volontaire vous permet de régler des tourments intérieurs. Alors expliquez à vos proches simplement que c'est un besoin naturel. Écoutez-vous. Gémeaux, vos projets avancent moins rapidement que prévu et vos chantiers affichent des retards. Misez sur votre tchatch pour convaincre, vous en avez. À présent, côté relation, et bien avec le soleil et Mercure en jeu cette semaine, les rencontres sont à l'honneur. Ouais! Alors célibataire, éloignez-vous du miroir et aventurez-vous parce que l'amour n'est qu'à un pas. Cancer, avec Saturne en renfort, vous êtes solide cette semaine et à partir de vendredi, Mercure anime votre esprit. Écoutez votre intuition et agissez avec confiance. Côté relation, mercredi, prudence, votre langage pourrait déraper, alors mordez donc votre langue plutôt que de cacher la Saint-Valentin à venir. Lion, eh bien comptez sur Jupiter et acceptez les soutiens. Oui, on les prend les soutiens, une protection de la hiérarchie ou des décideurs améliore vos conditions de travail. Côté relation, jusque jeudi, Mercure vous incite à miser sur vos collaborations professionnelles. Vendredi, Vénus honore votre Saint-Valentin. Alors simplement, éclatez-vous. Vierge, Saturne vous impose des responsabilités, mais Uranus vous booste votre audace. Alors gérez vos responsabilités tout en osant sortir de votre zone de confort. Vous avez toutes les planètes pour vous là, pour aller dans ce sens. Et côté relation, eh bien en couple, vous êtes complice célibataire, même si le grand amour se fait attendre, eh bien une belle idylle pourrait vous séduire ce week-end. Balance, vos finances ont le vent en poupe. Profitez de chaque opportunité pour maximiser vos gains. Côté relation, grâce à l'influence de Soleil et de Mercure cette semaine, eh bien, les occasions de faire de nouvelles rencontres sont fréquentes. Engagez la conversation parce que chaque rencontre pourrait mener à une belle connexion. Scorpion, alors tout est lent. Oui, c'est comme ça cette semaine, mais Saturne et Mars vous aident à avancer étape par étape, alors gardez votre flegme. Côté relation, vos échanges sont complexes, on ne vous comprend pas toujours. La Saint-Valentin n'est pas votre tasse de thé, c'est ainsi. Et avec vos collègues, ne vous attendez pas à une reconnaissance systématique. Voilà, côté relation, on sera un petit peu bof cette semaine, mais encore une fois, il y a tous les autres jours de la semaine, donc c'est pas grave, gardez le moral. Sagittaire, grâce au soleil et à Mercure, il y a de l'entraide au travail et dans vos activités, et ça c'est chouette. Comptez sur les travaux d'équipe, faites par exemple un brainstorming, ça portera ses fruits. Côté relation, Vénus et Jupiter, eh bien, ils vous brossent dans le sens du poil. Alors n'hésitez pas à communiquer ouvertement et à cultiver des rapports sincères. Capricorne, alors malgré des difficultés martiennes, Saturne vous encourage. Continuez à garder le cap avec sang-froid et persévérance parce que ce sera payant. Côté relation, la famille et les enfants sont mis en vedette dans votre existence cette semaine. N'hésitez pas à fêter la Saint-Valentin en groupe. Voilà, Saint-Valentin, c'est pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Alors, bien sûr, il y a les amoureux, les amoureuses, et puis il y a aussi tous les proches qui sont là autour de nous. Verseau, tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire si vous êtes né cette semaine. Pour les autres, encore un peu de patience. Eh bien, côté activité, sauf mercredi, vous êtes nerveux, c'est une bonne semaine pour vos démarches diverses. Alors faites passer vos idées, voire même envoyer des CV. Côté relations, Jupiter et Vénus, eh bien, animent votre vie sentimentale. La Saint-Valentin promet donc d'être enrichissante et chaleureuse. Mettez-vous sur votre 31, ce sera une belle occasion en tous les cas. Et enfin, chers amis poissons, selon Saturne et Uranus, vous devez explorer de nouvelles expériences. Alors testez de nouvelles sensations et sortez des sentiers battus. Côté relation, Vénus vous rend un peu trop possessif en cette Saint-Valentin. Prenez du recul et laissez votre partenaire respirer. La confiance renforce l'amour, on le sait bien. Voilà, mes chers amis, c'était l'horoscope de la semaine. N'hésitez pas eh bien, à nous partager vos aventures. Que s'est-il passé cette semaine? Que se passe-t-il pour vous? Comment les planètes influencent votre quotidien, votre Saint-Valentin? Racontez-nous. Voilà, on vous souhaite le meilleur en tous les cas. Et puis, surtout, de vous entourer des gens que vous aimez. On le dit, hein, ça peut être les partenaires ou encore, bien sûr, les proches, la famille, les amis. On vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Ciao!